pour renouveler votre carte de membre. Tiens, pourquoi pas? De miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. La télé, c'est pour tout le monde. Ce Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs. La radio, c'est pour moi. La Barberie, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Votre soutien demeure essentiel. Dans la radio. Merci d'écouter CKRL. Je confirme. Je me sens beaucoup moins seule. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, Michel et Bruno, jusqu'à minuit. Et là, c'est le cas de le dire, installez-vous confortablement au chaud. Et puis, on va se gâter avec plein de bonne musique pendant 2 heures. Je vais vous dire un peu ce qui s'en vient. Là. J'ai tout apporté ma pile de disques ici. On va voir entre autres comme nouveauté Alan Reed, l'ancien chanteur de Palace, qui nous arrive avec un disque, je pense que c'est son second disque solo, Honey on the Razor's Edge. Brett William Cole. Ali Ferguson, un Écossais, qui a signé un disque assez floydien et assez intéressant, merci. Ici on a Brig Guiverno, un Breton. Son second essai, Valgory, et bien d'autres choses. Et on va commencer ce soir avec Glasshammer, qui, vous commencez à le savoir, j'imagine, va être à Québec pour son... En fait, c'est son second concert à Québec, et puis c'est peut-être son second concert au Canada tout court, et qui vient nous présenter l'album Valkyrie. D'ailleurs, c'est ce qu'on va écouter, un extrait du plus récent. Et ben, c'est ça. Il nous visite le 20 mai au Centre d'art de la Chapelle, présenté par votre émission préférée, Terra Incognita. Et il y a plein d'autres groupes aussi, Eden Song, Universe Effect, Fabio Suventi, on va en parler plus tard. Mais pour l'instant, nous, on va écouter Glasshammer de leur dernier Valkyrie. Thank you.

Hello, this is Brett William Cull here from the band Echolin, and this is a song from my new album, Open Skies Exploding. You are presently listening to Terra Incognita, the progressive radio show of Quebec City. Bouncing in spaces, clutching for pardon in empty halls, pleading, don't leave me now. The time expands and then it dies, they lay together just passing by, for they are ghosts to the other. I sleep unspoken. Now the house is loud, the walls are standing so cold. I never heard you call from the window. I never heard you at all. It's just a lame excuse. It's just a costume kick. There's a million biting lines kicking outward. I'll just cave in. Walls, but there's nothing left hanging on, I swear I can hear better days of kindness sometimes. In the thick of the night I hear the sun come through. It says, hey, remember, you can still hear it in the quiet. Now the house is loud, walls are standing so. I never heard you call from the window. I never heard you at all. It's just a lame excuse. It's just a costume kick. There's a million biting lines kicking outward. Say goodbye. I said, stay forever and a day. We've both been right, we've both been wrong, but we've still managed for this long. And I don't want to see you stray. great ideas are tempered by another, perhaps still greater. Ça nous vient d'Écosse. Un monsieur qui a pour nom Ali Ferguson, un Écossais qui, bon, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, aime Pink Floyd. À certains moments, j'avais l'impression d'écouter une pièce là, de la période middle. Et c'est pas tout à fait le même tout le long, mais je veux dire, tout le long du disque qui a pour titre, attendez un peu, j'ai des reflets de. A Sequence of Moments. C'est clairement floydien tout le long, là, avec différents parfums ou de différentes touches, là, mais ça demeure que. On sait d'où vient l'inspiration. Donc, Ali Ferguson, son premier essai. On avait Alan Reid, l'ancien chanteur de Palace, écossais lui aussi, de son album tout chaud, Honey on the Razor's Edge. Avant ça, on avait M. Brett William Cole, Dave Collin, son disque solo Open Skies Exploding. Et on a amorcé, donné le coup d'envoi avec Glasshammer ce soir, de leur récent Valkyrie, ma foi, un de leurs meilleurs. Et comme je vous disais tantôt, le groupe va nous visiter le 20 mai au Centre d'art de la Chapelle. Concert avec Eden Song de New York et Universe Effect de Québec. Les portes vont ouvrir à 3 heures. Le premier concert à 4h30, après ça 19h30 et 21h30 pour Glasshammer. Le lendemain, on accueille Il Paradiso degli Orchidi d'Italie. Ça, c'est leur premier concert en sol américain, nord-américain. Et encore d'Écosse, Comedy of Errors qui nous arrive d'Écosse aussi. Et qui devrait nous présenter un nouvel album, un nouveau disque. J'ai eu quelques messages cette semaine et les gars travaillent vraiment très fort. Ils ont hâte de venir à Québec et ils espèrent vraiment arriver avec un nouveau disque. Et on finit avec M. Zuventi, Hudsonaton, et c'est d'ailleurs ce qu'on va écouter dans quelques instants. Je l'ai passé une fois, il y a belle lurette de cette pièce-là, et j'ai eu comme quelques demandes pour que je la repasse, parce que c'est de l'inédit. C'est un extrait d'un disque qui a pour titre Zuventi Ruggine 1992-2011, et c'est du matériel qui n'a jamais été publié, ou difficile, vraiment difficile à obtenir, et dans ce cas-ci, c'était la suite part 2 de Merlin, qui est seulement disponible sur le pressage japonais de Merlin, l'opéra que Fabio Zuventi a composé avec Victoria Hayward. Donc, c'est rare. Et d'ailleurs, même le disque en tant que tel, le Zuventi Ruggine, a été pressé à 100 exemplaires. Et pas moins de ça. C'est pas pour rien que c'est écrit à côté Rare and Unreleased. Moi, j'ai le numéro 50 sur 100 et je pense que j'en reverrai plus d'autres courir les rues. Et donc, on va y aller avec ça parce que il y a quelques personnes qui me disaient qu'ils l'avaient raté puis que je pense que ça a jasé pas mal dans le rang des amateurs de Zuventi. Donc, on va y aller avec ça. Nous, le temps de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1, c'est Terrain Incognita avec Michel et Bruno jusqu'à minuit. We'll be right back. ckrl.qc.ca. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Découvrez la première biennale hivernale d'art contemporain avec 50 artistes de 9 pays dans 30 lieux de la ville de Québec, dont au pavillon Pierre-Lassonde du MNBAC. Cet hiver, célébrez l'art de la joie. Salut, c'est Julien du groupe Olinéa. Au début, on hésitait à t'appeler notre album « Incandescence d'un avenir incertain » ou bien « Pleine lune d'automne, volume 3 ». On voulait aussi rendre notre album disponible seulement en 8 tracks, seulement chez les disquaires indépendants. Mais on a changé d'idée. L'album d'Olinéa s'appelle « Olinéa » puis c'est disponible partout. Le dimanche en 5 à 7, montez à bord de Racine Musicale, commandée par des amoureux du reggae. Bigou et Selecta Jalabaman. Quand j'entends le rythme, ce rythme qui existe, le tambour qui fait boum et bam, qui bat dans l'harmonie. Une émission qui vibre et qui fait voyager au travers des styles et des années. C'est KRL 89.1. Un 5 à 7 à la Ninkasi, c'est une rencontre entre amis, un rendez-vous entre collègues, un événement important à souligner ou tout simplement un moment à savourer. La Ninkasi, c'est de l'espace pour les groupes qu'on peut réserver, un support technique de qualité, une ambiance feutrée et une terrasse chauffée. Un 5 à 7 à la Ninkasi, pour goûter une sélection de produits québécois. 26 bières en fût et de la nourriture en tout temps au menu. La Ninkasi, complice depuis maintenant 10 ans. 811 rue Saint-Jean, ninkasi.ca. Matt Vizio vous présente son tout premier opus... Avant la mort des fleurs cueillies. Comme l'amour se déchire sous le ciel nippon, j'ai vu fondre l'avenir. Je suis atterri sur ton front sous des soleils de plomb. Avant la mort des fleurs cueillies, disponible dès maintenant. De retour. Ça sera pas trop long le menu là, pour le dernier bloc musical. C'était tout simplement Fabio Zuventi, un album édition limitée qui a pour titre Rugine, 1992-2011, paru pressé à 100 exemplaires. Donc c'est pas. Et c'est, je pense que Fabio en prépare un second dans le même style là, de matériel inédit. Ben d'ailleurs, Fabio, qu'on pourra voir de visu au Centre d'art de la Chapelle le 21 mai avec le groupe Hot Sonaton, un de ses projets, un de ses très nombreux projets. Ils viendront nous présenter leur plus récent disque, le plus récent disque d'Hot Sonaton, Cupid and Psyche, symphonie numéro 1. Il va y avoir pas mal de monde sur scène pour essayer de recréer cet album, mais... Fabio me racontait que pour le dimanche, finalement, ils vont, oui, présenter cet album, mais étant donné que Hot Sonaton ne présente pas beaucoup de concerts, il va y avoir aussi des extraits de pas mal d'autres albums, mais Fabio tient absolument à ce que les gens aient un bon tour d'horizon de ce que Hot Sonaton pond depuis plusieurs années. Donc, ça, je pense que ça va être vraiment très intéressant. Puis, cette journée-là, on a aussi Comedy of Errors de d'Écosse et d'autres compatriotes italiens et le Paradiso degli Orchi. Écoutez, je vais en profiter, étant donné que j'ai pas grand musique, en profiter pour vous rappeler que on est en période pré-radioton et puis ben, les dons pré-radioton de 20$ et plus et les cartes de membres sont présentement en vente. Vous pouvez vous les procurer directement ici au 405 3e Avenue, dans les heures d'ouverture, évidemment, pas à n'importe quelle heure, entre 9h et 17h30. Et puis aussi, bien, vous pouvez vous rendre sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca, et il y a l'onglet « Faire un don » et l'onglet aussi « Devenir membre ». Vous savez que c'est important, si vous aimez ce que vous entendez depuis probablement plusieurs années, c'est une bonne façon que ça se poursuive. Donc, devenez membre et supportez votre station. Et puis, ben, nous, on continue en musique. Et c'est encore Bruno et Michel. On est encore là jusqu'à minuit. On va aller faire un petit tour du côté de l'Italie avec Maxophone, un groupe qui était passablement disparu pendant une trentaine d'années et qui revient tout d'un coup avec un second disque, La Fabrica delle Nuvole, autrement dit l'usine à nuages. Excellent disque, belle surprise. Et puis on aura tout de suite après encore d'Italie Il Cerchio Medianico. Je vous en parlerai un peu plus, mais on écoute ça pour le moment. scoccia le carni e il sangue, staccheranno le loro radici, liberando le energie rinchiuse nel respiro delle vene, mai più un pensiero alle donne lontane, sono vivo, libro nel cielo infinito, volteggio e cerco una luce scrivere sui muri del paradiso. news. Will we take the path of least resistance? Can we stay the course to reach the distance? Or will we shake until we break, until it burns? Distance. despair, din and despair. Ça nous arrive de la Bretagne, de la France et de la Bretagne. Un des, à ma connaissance, un des rares qui rock en breton comme ça, Brig, je vais essayer de le prononcer comme il faut, Guerveno, de l'album Valgory, qui est assez récent. C'est comme je disais, un des rares là, qui se permet de rocker en breton. Et... un peu dans la veine Porcupine Tree, King Crimson, un peu par bout aussi. Là. Et c'est tout chaud. Brig, Guerveno. Tout juste avant, on avait des Britanniques. It. We All In This Together. C'est leur cinquième disque, mine de rien. Il y a un petit parfum un peu Pink Floyd par bout, ça aussi. Avant, on avait El Sergio Medianico de l'album... En fait, là, en disant le titre de l'album, vous allez comprendre que c'est le groupe n'est pas véritablement un groupe. Il Sergio Medianico, un opéra propre di Stefano Agnini. Les amateurs de prog italien connaissent Stefano Agnini parce qu'il est un peu c'est le leader de la Conscienza di Zeno. Il a fait aussi un disque avec Fabio Zuventi. Donc, ça, c'est son premier disque solo. Un opéra propre, P-R-O-P, on m'a expliqué que c'était comme la contraction de prog et de pop. Prog et pop font propre. Donc, un opéra propre, dit Stefano Agnini, et on avait amorcé avec un Maxophone, après quelques décennies de silence, la Fabrica delle Nuvole. Dernière demi-heure en notre compagnie. Nous étant Bruno et Michel, on va aller faire encore un petit tour du côté de l'Angleterre avec un groupe que j'ai choisi de le prononcer comme il faut, ça aussi, le Caprecars Constant de l'album Fate Outsmarts Desire. Il y a un invité spécial sur ce disque-là, je pense que ça va plaire à bien du monde et je pense notamment à notre confrère Marc qui est. On le sait, il y a une maladie là, amélienne et van der Graffin. C'est parce que l'invité spécial en question sur ce disque-là, c'est David Jackson. On le reconnaît son saxophone tout le long. Là, et on va le reconnaître sur cette pièce, un extrait de l'album Fate Outsmarts Desire. ¶¶

Vous avez peut-être remarqué que de temps à autre, j'aime bien sortir un vieux vinyle qui sonne bien encore, malgré que j'ai acheté ce vinyle-là en 1971, il y a 40 quelques années. Je pense que j'ai fait attention. Un groupe britannique de la vague là, qui est passé inaperçu comme bien d'autres de l'époque, là, Gracious, de l'album Gracious avec un point d'exclamation. Je pense que c'était leur premier disque. Il y avait avant ça, le groupe avait beaucoup tourné avec les Who. Musicalement, là, c'est peut-être pas tout à fait le même. Oui, Bruno me fait signe que je parle trop. Et tout juste avant, on avait Capricars Constant de l'album Fate of Outsmart Desire. Ben, c'est déjà le temps de vous quitter. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. En attendant, vous restez des nôtres parce que Jacques est ici pour l'autoroute. Et puis, ben, je vous invite à visiter notre page Facebook. Et on a toujours comme plein de nouvelles du monde du prog. Et évidemment, revenez la semaine prochaine. Bonne nuit. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Ne change rien. Ne change rien. Ground control to Major Tom. Pour que tout soit différent. Check ignition and may God's love be with you. C'est KRL 89. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. T'écris tes textes, tu fais des beats, mais t'as pas de cred, t'es pas dans le street, t'as pas la plume de Military, ni les beats de Dead Obese. Corias, porte-parole de Cégep en spectacle. Pour arriver sur scène avec une confiance béton, le public va vous croire si vous croyez en ce que vous faites. Pour les regarder dans les yeux aussi, regarder le public dans les yeux, pas regarder à terre. Tout le talent d'ici, une seule adresse. Ayez du fun, c'est vraiment le plus important. On va se voir à la finale nationale au Cégep Saint-Laurent. J'ai très hâte de vous voir. Ciao. LaFabriqueCulturelle.tv. To join, to take into a state of intimacy. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? À quoi tu penses? Les 31 mars, 1er et 2 avril, c'est le Radioton à CKRL. Donc il y a une quantité d'ordre qui est parfaitement déterminée. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. Ou bien éclatante, ou bien doucement éteinte. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés. J'en ai repéré certains. Et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre. Tiens, pourquoi pas? De miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. La télé, c'est pour tout le monde. Ce Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs. La radio, c'est pour moi. La Barberie, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Votre soutien demeure essentiel. Dans la radio. Merci d'écouter CKRL. Je confirme. Je me sens beaucoup moins seule. À ne pas manquer au CLAP, Ma vie de courgette et l'Odyssée dès le 3 mars, Icaluit et Réparer les vivants dès le 10 mars, Le cœur en braille et la mécanique de l'ombre dès le 17 mars, Tuk Tuk dès le 24 mars et Trainspotting 2 dès le 31 mars. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Bon cinéma! Un 5 à 7 à la Ninkasi, c'est une rencontre entre amis, un rendez-vous entre collègues, un événement important à souligner ou tout simplement un moment à savourer. La Ninkasi, c'est de l'espace pour les groupes qu'on peut réserver, un support technique de qualité, une ambiance feutrée et une terrasse chauffée. Un 5 à 7 à la Ninkasi, pour goûter une sélection de produits québécois. 26 bières en fût et de la nourriture en tout temps au menu. La Ninkasi, complice depuis maintenant 10 ans. 811 rue Saint-Jean, ninkasi.ca. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radioton de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochains. Faites un don de $20 et plus ou procurez-vous votre carte de membre de $25.